Yeah. Huh? Trixie, huh? Muffy, pas ni à Clément ou c'est Riblan, moi y'a ni bon sens. Y'en des clients, 3-4 clients qui bisent en torse. Faut compliment, red consignement, nouveau billet mort. Ketchup, mayo, si bon piment, moi y'a ni bon sens. Si bon laïe, si bon zonion, moi y'a ni bon sens. Belle cuisson, filet mignon, moi y'a ni bon sens. Toujours pimpon, toujours mignon, moi y'a ni bon sens. Bitch, y'a ni bon sens. Bon sens. Ni sauce créole, vous ou c'est chien créole. Ni con ni auréole, virus code génome. Loris mafia malade, mais nous pas ni pour ces worm. L'esprit nous est convénome, virulent et véloce. Un c'est négro sauvage, un c'est bête féroce. Un c'est Simon Guada, obligé en grosse. Obligé en fort, bitch obligé en wolf. Fuck acteur et cinéma, nous pas qu'à jouer pour wall. Villa red y pas molle, nous en vie nous pas mort. Un nous aïe pas mosse. Démarrer les gamos, bitch ou pas Cendrillon, ou péqué ni kawos, ou puisqu'on la paix crétin, ni képé en kawos. Un tout à mon coco, un panigre canyon, palmier de l'eau coco, si pellicule à canon. Cuit vous en gros bouillon, plié ou en deux con calzone. Fais la bise au canon, on veut rafler la cagnotte. Pas ni à crément ou c'est riblan, moi y'en ni bon sens. Y'en des clients, 3-4 clients qui bisent en torse. Faut compliment, red consignement, nouveau billet mort. Ketchup mayo, si bon piment, moi y'en ni bon sauce. Si bon laïe, si bon zonion, moi y'en ni bon sauce. Belle cuisson, filet mignon, moi y'en ni bon sauce. Toujours pimpon, toujours mignon, moi y'en ni bon sauce. Bitch, y'en ni bon sauce, moi y'en ni bon sauce. Il a ready pas soft, courri des un peu sauce. Pas qu'à doué personne, adios Bezos. Pen vilain ou peso, talent tueux comme Picasso. Fuck police et Horatio, on toujours ni gros ratio. Respect pour les assos, marré vilain au lasso. Ouvre la bouche et puis aval, je vais lâcher la sauce. Nous organiser qu'on soit, on va lancer l'assaut. Salope fait des squats, laisse tomber là t'as l'assaut. J'espère que t'as la somme, je sais que t'as le seul. Souvent t'as toujours posé, couillant moins qu'un capote. Et fait un faux pain qui filme, un pack à crapoter. Fox, Nick, j'ai fait ma côte, tout c'est là qui carapote. Aïe, ça pas carapote, zone. Pour mon pépé sauver zone, t'es un misol de trompe zone. Bitch, j'ai pompé en dos. Y'en a rompé, soldat rompé, si on confie fou à côté. Un pari à fronter zone, ils ont fait un refaut. Pas ni à crément ou c'est riblan, moi y'en ni bon sens. Y'en des clients, 3-4 clients qui bisent en torse. Faut compliment, red consignement, nouveau billet mort. Ketchup, mayo, si bon piment, moi y'en ni bon sauce. Si bon laïe, si bon zonion, moi y'en ni bon sauce. Belle cuisson, filet mignon, moi y'en ni bon sauce. Toujours pimpon, toujours mignon, moi y'en ni bon sauce. Bitch, y'en ni bon sauce, moi y'en ni bon sauce.